L'actualité à Nancy et ailleurs. Marie-Paul Pierrel, bonjour. Bonjour Yves. Vous êtes présidente de l'association Bipolaire, si tu savais. Oui. Et avec la chorale Les Madrigales, vous organisez donc un concert le dimanche 18 février à 16h au Temple Saint-Jean, place Maginot à Nancy. C'est bien ça ? C'est ça, Les Madrigales, le chœur des jeunes de Lorraine, de l'association Les Madrigales, donne un concert au profit de notre association ce dimanche 18 février à 16h au Temple. On avait déjà eu un concert avec eux il y a 2 ans et on a vraiment eu envie de renouveler l'expérience parce que ça s'était très très bien passé. Et c'est un moment très très agréable. On peut parler déjà du contenu de ce concert que propose la chorale Les Madrigales. Il propose du classique et des choses plus récentes. Du reste, à la fin de l'interview, je crois que vous avez prévu de diffuser un petit morceau d'air qui va ensuite rester dans la tête des gens toute la journée. Le cantique de Jean Racine, Liber Tango d'Astor Piazzolla. Vous voyez, le spectre est très large. Du Saint-Saëns, Viva la Vida par exemple. Alors il chante a cappella et il chante aussi accompagné au piano et parfois aussi à l'accordéon par exemple pour Liber Tango. Voilà, donc ce sera à 16h le 18 février au Temple Saint-Jean, place Maginot à Nancy. Je précise que l'entrée est libre, il n'y a pas de prix d'entrée, nous faisons une collecte pendant la pause entre les deux parties et les gens donneront ce qu'ils voudront au profit des actions de l'association Bipolaire si tu savais. Et ben voilà, justement venons-en à cette association Bipolaire si tu savais, quel est votre objectif ? À partir du premier mot du nom de l'association, Bipolaire si tu savais, donc vous comprenez que notre champ d'action est de faire de l'information et de la sensibilisation à une maladie psychique qui s'appelle les troubles bipolaires. Voilà. Et si tu savais, dans cette phrase, si tu savais, le mot savais était très important parce que quand on comprend de quoi souffrent les personnes, quand on comprend ce dont on souffre soi-même, c'est un pas de plus vers la maîtrise de la situation, trouver le bon traitement qui convient pour aller mieux. Donc c'est très important de savoir, de comprendre soi-même ou alors ce qui arrive à quelqu'un de son entourage. Donc pour faire connaître l'association et pour faire connaître cette maladie, vous organisez très régulièrement des actions. Il y en a une en début d'année autour des jeux vidéo, c'était oui, à l'autre canal. Oui, c'est ça, nous avions organisé un tournoi de jeux vidéo en janvier à l'autre canal qui nous a permis là d'avoir un public différent de celui qu'on a par exemple quand on organise des concerts lyriques ou des conférences sur des sujets économiques ou historiques. Mais c'est très important que toute personne, quelle que soit sa tranche d'âge ou sa génération, reçoive de l'information. Puisse être sensibilisé parce qu'il n'y a pas d'âge en fait. Non, c'est important que plus jeune on est informé, mieux c'est, parce que cette maladie se déclenche, ou se révèle la plupart du temps pendant l'adolescence, avant 20 ans, entre 15 et 20 ans souvent. Et donc plus vite on intervient, mieux on reprend les rênes de la situation. Cette maladie provoque des grands écarts émotionnel chez la personne qui en souffre. Donc aussi bien des cycles très longs de dépression qui peut être très profonde et vraiment très grave, que des cycles au contraire de superactivité exagérée qui là aussi va amener la personne à prendre des décisions ou avoir des attitudes dangereuses. Mmh. Par exemple s'engager dans des projets professionnels irréalistes ou dans des dépenses pas raisonnables du tout parce qu'elles n'ont pas du tout l'argent pour assumer ces dépenses et des tas d'autres choses qui ne vont pas. Donc il est important de comprendre ce qui se passe. Plus on est informé, mieux on peut déceler les signes. Voilà, donc si ça va pas et si on est un petit peu informé sur cette maladie-là et qu'on pense qu'il y a des points communs entre ce qu'on constate chez soi ou chez une personne de son entourage, dans ce cas-là, on peut déjà en parler avec son généraliste. Et le généraliste, s'il est alerté effectivement, il peut ensuite rediriger son patient vers un psychiatre qui est un médecin spécialisé dans le fonctionnement du cerveau, comme un cardiologue est un médecin spécialisé dans le fonctionnement du cœur. On est dans le domaine de la médecine. Mmh. Alors c'est une maladie un peu trompeuse parce qu'elle affecte le comportement des gens. Donc au départ, devant des réactions un petit peu désagréables ou surprenantes chez quelqu'un, on peut toujours se dire « Oh ben là, quel caractère difficile !» ou bien... Et puis en fait, non, c'est pas du tout ça. Il s'agit simplement, si j'ose dire, mais c'est pas si simple que ça, d'un problème médical. Donc, un médecin spécialisé est tout à fait indiqué pour prescrire des médicaments qui vont stabiliser l'humeur de la personne et tout un traitement qui fonctionne avec de bons résultats. Mieux informé, en tout cas, c'est l'objectif de l'association Bipolaire si tu savais. Oui. Bipolairesitusavais.com, c'est votre site internet, c'est pour ça. Retrouver plus d'informations. Et le rendez-vous, donc, à ne pas manquer. À ne pas manquer. C'est le dimanche 18 février. Je vous laisse redonner un peu le programme de ce concert. Cet après-midi, voilà, le rendez-vous est à 16h au Temple Saint-Jean, place Maginot à Nancy, pour aller écouter un groupe de jeunes, le chœur des jeunes de Lorraine, qui va chanter chanter donc tout un ensemble de morceaux classiques ou plus contemporains, accompagnés au piano ou bien a cappella. Et je précise qu'en 2016, ils avaient gagné la deuxième place au concours régional de chorale. Donc ça vous donne une idée de leur niveau de performance. Ce sera un moment très agréable. Et c'est avec donc Liber Tango, un extrait de la chorale Les Madrigales, qu'on se quitte. Merci beaucoup Marie-Paul Pierrel.